Quand pour la première fois, j'accueille en classe de mathématiques mes futurs élèves de première STMG, la rencontre est toujours épique. Ils sont bien tous là, à me dévisager, certains hagards, d'autres sidérés comme les survivants exténués d'une guerre perdue contre la discipline. Lorsqu'ils arrivent dans la filière, ces élèves abîmés, ces âmes cabossées, sortent à peine la tête du tourbillon de la démotivation, des notes sanctions et du manque d'estime de soi. Un cercle vicieux qui, de manière autonome, les persuade d'être un imbécile, une ignorante, un scélérat ou une inadaptée. Parmi cette cohorte, certains élèves fatalistes sont même persuadés que l'origine de leur échec est génétique, familiale ou culturelle, et que l'on n'y peut rien changer. Bref, en ce jour de rentrée, se dresse une horde de petites gueules cassées, de soldats désarticulés, une armée dans le tourment de la défaite. Quel paradoxe en ce jour de première rencontre! Les élèves en croissance, recroquevillés sur eux-mêmes, pliés sur leur table, et moi et mon âge, me redressant sur la pointe de mes souliers neufs pour voir toutes les têtes, même les plus éloignées. Surtout les plus éloignées. Les regards et les cœurs de l'assistance sont lourds, tandis que mon ton et mon sourire sont joyeux et enjoués. Et une question me vient à l'esprit. Comment allons-nous réussir à cohabiter dans cette colocation au mur défraîchi, 3 heures par semaine pendant 10 mois? Dans le prochain épisode, nous verrons l'intérêt des mathématiques pour les élèves.